sont-elles passées, perdues sa trace depuis tout là-haut. Oiseaux chassent fendés l'espace, je dors avec elle, je dors dans ses ailes ce soir. Oiseaux sauvages, tournez la page de mes voyages, avions et bateaux, dans cette cage comme une plage, je dors avec elle, je dors dans ses ailes. Oiseau volage qui dans les nuages faites ménage, alouettes et corbeaux, ce jour s'achève à la gardure, je dors avec elle, je dors dans ses ailes. Oiseaux fidèles, pliez vos ailes, c'est la plus belle du ciel et de l'eau, dans cette cage comme une plage, je dors avec elle, je dors dans ses ailes ce soir. Oiseau sauvage depuis tout là-haut, oiseau volage, oiseau fidèle, je dors avec elle, je dors dans ses ailes.